بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ceci dit, louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblé de ses bienfaits. Et comme il est dit dans le verset, وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Comme la traduction approximative du sens du verset cité ici nous dit, il vous a accordé tout ce que vous lui avez demandé, au point que si vous cherchiez à dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne le pourriez pas. L'homme est injuste et ingrat. Falhamdulillahi alladhi a'azzana bil islam wa ja'alana min atba'i sayyidi al-anam faman ittaba'a hudallahi rafa'a Allahu qadrahu wa a'la dhikrahu وعز شأنه ومن ابتغى العزة بغيره أذله الله في الدنيا وفي الآخرة. قال سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. Donc louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la force avec l'islam et qui nous a honoré avec la soumission et qui nous a honoré avec cette religion qui est la dernière des religions et qui a fait que nous soyons des disciples et des suiveurs de la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Muhammad alayhi salam. Celui qui suit la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève dans ce bas monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala élèvera son évocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'honorera. Et celui qui cherche la force, la suprématie des honneurs dans autre cas que la religion d'Allah, Allah le déshonorera, Allah le rabaissera dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans la traduction approximative du sens du verset cité ici, il est dit « Or, c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, ceux que les hypocrites ne peuvent comprendre. » وقال سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Et dans l'autre traduction du sens du verset nous dit ne fléchissez pas et ne vous affligez pas, car la victoire finale vous est acquise si vous restez attachés à la foi. فالعبد لا يحتاج إلى أن يلتفت في ظاهره وباطنه إلى غير هذا الدين الكامل في عقيدته ومعاملاته وأخلاقه وعبادته. قال سبحانه وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لسمي الله سبحانه وتعالى n'a pas besoin de regarder à droite et à gauche en dehors de cette religion, que ce soit en ce qui concerne son apparence ou en ce qui concerne son fort intérieur. Il n'a pas le droit de regarder à droite et à gauche en dehors de cette religion. cette religion qui est complète, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parachevée, et avec laquelle il a comblé les croyants de sa grande grâce, qui n'a pas de limite. Cette religion est complète, que ce soit au niveau des croyances, au niveau des comportements, au niveau des rapports à avoir avec les autres, au niveau des adorations, il y a tous les niveaux. Et comme il est dit dans le verset cité ici, celui, dans la traduction approximative, nous dit cela, celui qui aspire à la puissance, sache qu'Allah seul peut le rendre puissant, et c'est à Allah qu'appartient la puissance absolue, subhanahu wa ta'ala. قال الفاروق رضي الله عنه وارضاه فيما أخرج الحاكم رحمه الله تعالى إنا كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه a dit, nous étions les hommes les plus vils, les gens les plus vils. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, il est plus faible, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a honoré et nous a donné la force avec l'islam. Si nous cherchons les honneurs et la force en dehors de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous rabaissera, il nous humiliera. Hadith, il est rapporté par Al-Hakim, rahimahullah ta'ala. وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله عليه من حديث أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. Et ceci, cette parole d'Abdullah ibn Omar est conforme à ce qu'a dit le messager alayhi salam, pour qu'on comprenne que la voix de ses nobles compagnons il est identique à la voix du messager alayhi salam radiyallahu anhum wa ardahum. Et c'est pour ça qu'il est obligatoire pour nous de suivre leur chemin et de prendre la religion et de l'appliquer comme ils l'ont appliqué le doigt d'Allah alayhim. Dans ce hadith authentifié par Cheikh Nasr Dil Albani rahmatullah alayhi dans Sahih Abu Daoud rahimahullah, Abdullah ibn Omar dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, c'est vous commercez avec l'ina. L'ina, c'est une ruse avec laquelle on déguise le haram pour qu'il ait l'aspect du halal. Un des exemples les plus simples à comprendre. J'ai besoin de 5000 euros. Ce garagiste, je le connais, il vend des voitures. J'arrive chez lui, je vois une voiture qui coûte 5000. Je lui dis, je la prends. Moi, j'ai pas besoin de la voiture. La voiture va pas bouger de sa place. Il me dit, cash, 5000. Échelonné, 6000. On se met d'accord. Dis-moi maintenant, je veux l'argent. Il ouvre sa caisse, il me donne les 5000. Pour payer, moi, je vais payer 6000. Une forme, comme d'autres formes, pour déguiser riba. Ceci, c'est quelque chose de monnaie courante à travers le monde musulman. Hein? Et donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a désigné cette maladie, c'est vous faites des transactions dans lesquelles vous déguisez le bien, le mal, le haram en bien, et que vous êtes content de ce bas monde et vous courez derrière ce bas monde au point que vos cœurs sont attachés à ce bas monde. Et vous êtes content du confort de ce bas monde, et vous délaissez le combat sur le sentier d'Allah, et la cité, une des obligations. Allah va vous humilier et vous rabaisser jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Regarde, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a montré les maladies. Il a fait un énorme diagnostic de ces maladies que nous vivons actuellement. Et cela prouve la véracité de ce messager alayhi sallam et que son message il est véridique. Et ce hadith a été un pivot de la da'wa du Cheikh Nasser Dil Albani rahmatullah alayhi pendant plus de 50 ans. Il a cité la maladie, le fait de ruser pour prendre le haram, le fait d'être attaché à ce bas monde au point qu'il fait oublier les obligations d'Allah Azza wa Jal. Il a cité une des obligations qui est la lutte sur le sentier d'Allah. Mais il est très important de ne pas avoir son esprit ailleurs que le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ses règles. Il doit se faire derrière un gouverneur et derrière un étendard levé par un gouverneur. Hein? Ils n'ont pas... Dans l'islam, il n'y a pas d'anarchie. Donc il ne faut pas se leurrer, que ce que fait Dawa'ej ou ce qu'a fait le Qaïda pendant plusieurs années ou le fils, etc., ceci ne fait pas partie du combat sur le sentier d'Allah, azza wa jalla. Le fait d'assassiner des innocents en Europe ou quoi que ce soit ne fait pas partie du combat sur le sentier d'Allah, azza wa jalla. Ceci, c'est de la corruption sur terre et ceci, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aime pas. Et donc, voici les maladies. Vous voyez tous ces maladies? Hein? Vous n'avez pas besoin de dessin. Vous les voyez devant vous. Hein? Combien d'obligations les gens ont négligées? La prière en commun, les gens passent. Hein? Et regardez combien les gens sont attachés à ce bas monde. Hein? Et donc tout ceci tout prouve la véracité de ce messager al-Sassoum. Qu'est-ce qui arrive? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui va arriver. Allah vous humiliera. Et donc, il y aura l'humiliation des gens de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette humiliation ne sera dissipée et enlevée que si on revient à une phrase qui est très importante dans la parole du prophète al-Sassoum, jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Qui a dit cette parole? Le messager alayhi salatu wasalam. Qui était devant lui? Il a utilisé un pronom. Votre religion. Qui était là? Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiyah, Abu Huraira, et ainsi de suite, les nobles compagnons. Donc cela, disent les hommes de science, a besoin de nous de retrousser nos manches. Et d'apprendre cette religion sur laquelle étaient Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et les autres nobles compagnons de Allah alayhim. C'est ce qui va nous sortir de la bassesse et de la faiblesse dans laquelle nous sommes. Sinon, on va errer. Et vous voyez, depuis plus d'un siècle maintenant, les frères musulmans, où est-ce qu'ils ont amené la communauté? Les globetrotters qui font le tourisme sur terre, où est-ce qu'ils ont amené la communauté? Et j'en passe. Les sororis, où est-ce qu'ils ont amené la communauté? Hein? Et ainsi de les haddadis, toutes les tendances. Hein? Pas besoin de dessin, on voit la réalité, elle est claire devant nous maintenant. Et donc, il faut apprendre cette voie sur laquelle étaient les nobles compagnons de Allah alayhi. Wa min madahir izzat al-islam akhal islam tamayyuzuhu an baqiyat al-adyan. وترك التشبه بغير المسلمين فيما يختصون به من الاعتقادات والأعمال والظواهر والأقوال. Et parmi les aspects de la force et des honneurs de l'islam, c'est sa distinction d'avec les autres religions et le fait de ne pas imiter les non-musulmans dans tout ce qui leur est spécifique, que ce soit au niveau des croyances, au niveau des actes, au niveau de l'apparence, au niveau des paroles. فَكَانَتْ مخالفة غير المسلمين من الواجبات العظام على المسلمين. Donc, le fait de se distinguer des non-musulmans est une grande obligation pour les musulmans. غفل عن هذا الواجب كثير من المسلمين فتنوا بعادات غير المسلمين المخالفة للإسلام حينما قلدوهم في لباسهم الذي اختصوا به وبهيئاتهم التي لا تمت إلى هيئة أهل الإسلام بصلة حتى جرهم ذلك إلى تقليدهم في بعض عقائدهم وأخلاقهم وأعيادهم التي هي من صميم دينهم. Et certains musulmans sont inattentifs à cette obligation. Quand ils ont été perturbés et ébahis par les coutumes et les habitudes des non-musulmans, ils les ont imités dans leurs vêtements, dans leur apparence extérieure, dans leur coiffure, au point que maintenant on voit des frères, on se demande d'où ils sortent, avec d'où ils ont sorti ces coiffures. Hein? La barbe et en même temps le qazar. Qu'a interdit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire un peu de toffe ici, de cheveux ici, et après ici tout rasé. Hein? Et ça c'est le qazar, dit le shaitan que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et qui tient quelque chose qui se pratiquait par les polythéistes de la péninsule arabique. Et quand on regarde dans le monde contemporain, regardez qu'il y a cette genre de coiffure d'avoir peu de cheveux ici, et ici complètement rasé. L'invasion de l'Irak par les États-Unis, les marines s'ils étaient comment? C'est leur coiffure, leur spécificité. Hein? Regardez à tel point, qu'est-ce qu'on imite? Certains ont pris comme modèle des joueurs de football, même musulmans. Ils ont un peu de barbe, mais ils ont de ces coiffures. A'oudou billah. Hein? Donc, et ces formes, cette imitation de l'apparence et cet aspect extérieur, aspect au niveau des coiffures, etc., n'ont rien à voir avec les gens de l'islam. Et cette imitation extérieure et apparente a entraîné les gens à imiter les non-musulmans dans certains de leurs croyances et dans certains de leurs faits qui ont rapport avec leurs croyances. Tu as à voir ça vers la fin de l'année et les sapins de Noël avec leurs guirlandes et leurs lumières qui pétillent dans les fenêtres de certains appartements de musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المصارقة والتدريج رحم الله شيخ الإسلام. شيخ الإسلام a dit l'imitation et la ressemblance dans les aspects extérieurs des non-musulmans, implique l'imitation et la ressemblance dans les aspects intérieurs. Petit à petit. Fin de citation des paroles de Cheikh l'Islam. Ça veut dire, l'imitation joue le rôle de l'aimant. L'aimant, quand il le pose quelque part, tu as dit faire, il tire vers lui. La même chose. Quand on commence à les imiter au niveau de l'apparence, cela va nous amener plus loin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. وَلَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْأَصْلُ وَهُوَ النَّهْيُ عَنِ التَّشَبُّهِ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَدِلَّةٍ كَثِيرًا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Ce fondement qui est l'interdiction d'imiter les non-musulmans, ses preuves sont nombreuses dans le livre et dans la sunna. Comme dans ce verset dont la traduction approximative du sens du verset nous dit, « Puis, nous t'avons prescrit une religion aux enseignements tout aussi clairs, suis-la donc, sans jamais t'oublier au désir des ignorants. » qui ne te seront d'aucun secours contre Allah, c'est-à-dire si tu te plies à leur désir. Les injustes se soutiennent les uns les autres, tandis qu'Allah est l'allié de ceux qui préservent ses droits. فَتْقْلِيدُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ اتِّبَاعِ أَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَبْعَثُ عَلَى مُوَالَاتِهِمْ وَمَوَدَّتِهِمْ لِذَلِكَ قَالَ المبعوث رحمة للعالمين من تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مجمعين. Donc le fait d'imiter les non-musulmans fait partie du fait de suivre leur passion avec ignorance, et cela motive avoir de l'alliance avec eux et avoir de l'affection pour eux. C'est pour ça que le messager d'Allah, dans le hadith authentifié par Cheikh Nasr Din Al-Ban, dans Sunan Abi Dawud, le hadith d'Abdullah ibn Omar, une partie du hadith dit, celui qui imite des gens, il fait partie d'eux. Cheikh Zayd, rahimahullah, dans l'interprétation de ce hadith, il a dit, il sera châtié du même châtiment par lequel ils sont châtiés pour l'acte dans lequel il les a imités. Hein? Il sera châtié. Le même châtiment qu'ils subissent pour l'acte pour lequel il les a imités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Wa amara sallallahu alayhi wa sallam bi mukhalafati al-mushrikin fi hay'atihim. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de se différencier des politistes dont notre aspect extérieur. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. Dans le hadith de Abdullah ibn Omar, Allah سبحانه وتعالى les agrée, il a dit, عليه الصلاة والسلام, distinguez-vous des politistes. Laissez pousser vos barbes et dépaissez vos, hein, vos moustaches. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala inna al-yahuda wan-nasara la yasbighuna fakhalifuhum wal hadith muttafaqun alayh. Et dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, le Rasoul sallallahu alayhi wasallam a dit, les juifs et les chrétiens ne se tiennent pas. Distinguez-vous d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quand la personne arrive à un hein, il a des cheveux gris, comme moi et comme le monsieur derrière là-bas. Hein? Il faut qu'on les colore. Avec du jaune, avec des couleurs, du henné, du safran, et ainsi de suite. Mais on évite le noir. Parce que le noir, c'est pour tromper les gens, pour se donner l'aspect du jeune. Abedan. Hein? Donc, les juifs ne le font pas, a dit le messager alayhi salam, faites-le. Hein? Donc quand on a les cheveux gris, fait partie de la sunna. Un jour, rahimahullah, Cheikh Zamil Zinou, que Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, a ramené pour qu'il soit prof à, c'est un syrien, qui était dans l'ensemble sur la voie des salafs. Rahmatullah alayh, il est mort, ça fait. Peut-être que certains parmi vous, quand il est mort, vous n'êtes pas encore nés. Et un jour, lors d'une conférence de Cheikh Ibn Baz, à la fin, il est allé, il a chuchoté dans les oreilles de Cheikh Ibn Baz. Il lui a dit, Ya Imam, tu es un modèle. Et il faut que tu teignes ta barbe. Depuis ce jour-là, Imam Ibn Baz a redémarrer cette sunna. Peut-être qu'il la connaît, mais peut-être qu'il n'y pensait pas. Mais il fallait que Cheikh Jamil Zino arrive, il lui dit ça, et depuis, Cheikh Ben Baz n'a jamais laissé, on voit toujours sa barbe qui était un petit peu couleur de henné. Et fa wanaha sallallahu alayhi wa sallam an mushabahatihim fi libasihim. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها رواه مسلم. Et رسول صلى الله عليه وسلم nous a interdit aussi de fait de les imiter dans leurs vêtements. Selon عبد الله بن عمرو بن العاص, il a dit que le messager d'Allah a vu sur moi deux vêtements, c'est-à-dire le vêtement d'en haut et d'en bas. Mu'asfarain, cette couleur qui est orange. Et il a dit, ça c'est le vêtement, il a porté par les mécréants. Ne la mets pas. Et après, il l'a plus remis, radiallahu anhu arda. Vous voyez cette couleur, qu'est-ce qu'il représente? C'est celle que mettent les bouddhistes. Vous voyez cette couleur là? Ça. Hein? Oui. Orange. Et aussi celle qui... C'est un emblème chez les bouddhistes aussi. Et il faut qu'on fasse très attention à un point essentiel que maintenant sont éprouvés avec nos frères qui sont dans la droiture et qui ont l'aspect hein, apparent de la droiture avec les barbes, etc. C'est avec ces sarouals qui ne sont plus devenus des sarouals, qui sont devenus n'importe quoi. Hein? Hier, j'ai vu un, Alhamdoulilah, ça n'a rien à voir avec un sarwal. Et aujourd'hui, j'en ai vu d'autres, Alhamdoulilah. Certains, quand on m'a envoyé la photo, je les ai envoyés à Cheikh Arafat. Il m'a dit, c'est de l'imitation aveugle, ça. Il faut ni les vendre, ni les présenter, ni les mettre. Mais vous avez à voir. Un izar en bas doit être large. Il ne doit pas avoir cette forme qu'ils ont maintenant, qu'ils ont copié sur les pantalons golf de ces Européens, hein, qui ont cette... Hein, un demi-cercle, etc. Mais le problème, c'est pas là. S'ils étaient larges, il n'y aurait pas de problème. Ils sont devenus de plus en plus serrés. Et de plus en plus des poches qui descendent d'en bas. Et de plus en plus des tailles basses. Et certains de nos frères sont éprouvés par le fait de les mettre en taille basse, ce qui fait apparaître les slips et les shorts qu'ils ont en haut. Et ceci est très mauvais. Parce que ceci, l'origine est très grave. L'origine, ce sont les prisonniers renois aux États-Unis, ceux qui sont ouverts au fait d'avoir des rapports avec les hommes. Donc, c'est en quelque sorte l'appel. Ils annoncent la couleur. Donc, comment il peut se fier à quelqu'un qui a l'aspect de la droiture de mettre ça? Un musulman de la masse n'a pas le droit de mettre ça. Qu'est-ce qu'il en est de quelqu'un qui a l'aspect de la sunna? Nous devons faire très attention. Ce n'est pas parce qu'on a la foi faible et qu'on a peur de la société dans laquelle on évolue qu'on doit faire n'importe quoi. Dans ce cas-là, quand tu as peur et que tu ne peux plus faire prévaloir ta religion, tu fais tes bagages. Et tu fais la hijra que t'as imposé Rasulullah alayhi wa sallam. Hein? Mais tu ne vas pas versatiliser dans tes aspects. Et en plus, le fait de versatiliser dans tes aspects, cela ne va pas être bon pour toi. Ni vis-à-vis de ceux que tu surveilles, ni pour ta foi. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. On veut l'agrément d'Allah, ou là on veut plaire aux autres. Et passer inaperçu. Inaperçu, tu n'y passeras pas. Tu es l'étranger. L'étranger dans le hadith, celui qui se cramponne à... Parle pas de l'étranger qui a quitté le sud de la Méditerranée pour venir au nord de la Méditerranée. Abadan, je parle de celui qui se cramponne à sa religion. Donc celui qui se cramponne à sa religion, il a un prix à payer. C'est qu'il doit s'y cramponner. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui, c'est comme quelqu'un qui a une braise de feu dans la main. Tu ne peux pas la serrer comme ça. Abadan, tu jongles avec. Mais pas au détriment de ta responsabilité et de ton aspect de musulman. Abadan. Faut qu'on craigne Allah et qu'on préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naha sallallahu alayhi wa sallam an at-tashabbuhi bihim fi ibadatihim. Il nous a interdit alayhi wa sallam aussi de leur ressembler dans leurs adorations. عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم رواه أبو داود وصححه الألباني رحمة الله عليه. شداد بن أوس رضي الله عنه وارضاه أدي distinguez-vous des juifs et des chrétiens, distinguez-vous des juifs, ils ne prient pas dans leurs chaussures ni dans leurs choufaines, ces choufaines qu'on met, qui soient comme forme de soquettes ou de chaussettes, qui soient en cuir, en laine, ou peu importe. Elle dit, ils ne prient pas dans leurs choufaines ni dans leurs chaussures. Distinguez-vous d'eux. Cela veut dire quoi? Ça veut dire, tu pries dans tes chaussures. Tu pries dans tes choufaines. Mais bien sûr, en prenant en considération dans le lieu où tu vas prier. Maintenant, tu es au centre de l'Al-Furqan, il va faire Salat al-Maghrib. Et après, tu vas nous chercher tes chaussures avec lesquelles tu as essuyé les urines des chiens de la zippe de Molenbeek. Et tu veux rentrer sur la moquette, là, on va te dire non. Parce que c'est pas ça qui est demandé. Là, tu vas créer un problème. Tu pries avec tes chaussures là où tu peux. Tu es sur un gazon, tu es sur un parquet dans la maison, etc. Mais sur les moquettes des mosquées ou là dans une salle de prière, non. On ne va pas en dire comme certains. Ouais, mais moi je vais appliquer la sunna du prophète. Là, à l'islam, là tu es. Maintenant, ça y est, khlas. Tu as dépassé tes limites. Tu vas à l'extrême. وكذلك نهى عن التشبه بأهل الكتاب في غلوهم في الصالحين وعبادتهم للقبور وهو في آخر حياته. Comme il nous a interdit à l'Essat Islam de ressembler aux gens du livre dans la façon extrême qu'ils avaient d'adorer les vertueux et d'adorer les tombes et les morts dans leurs tombes alors qu'il était à la fin sur le lit de la mort alayhi salam. عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشف عن وجهه فقال هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذر ما صنعوا والحديث متفق عليه. Donc selon عائشة رضي الله عنها عبد الله بن عباس كلا سبحانه وتعالى زغريتوس. Le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était malade, il était à la fin de sa vie et il avait une sorte de foulard de tissu sur le visage et quand il n'arrivait plus à respirer, il l'enlevait il disait, il en est ainsi la malédiction sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme mosquées. Il avertissait contre ce qu'ils ont fait. Alayhi salatu wassalam. Et vous voyez un peu les tombes qui s'adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le monde musulman. Il est fait de moussem qu'on leur fait pas, et les bêtes qu'on leur égorge pas, et ainsi de suite. Wa da'watul islam ila tamayyuz la ta'ni l'i'tida'a alayhim. ولا التخريب في دورهم أبدا فعليه الصلاة والسلام أمر بالتميز عنهم ولكن أوصى بعدم نقض العهود معه وعدم غدرهم وإعطائهم حقوقهم سواء كانوا من الأقارب أو الجيران وغيرهم وعدم تارة الفوضى في بلادهم. وبذلك يظهر لك أن ما تدعو إليه هذه الفرق الضالة كالدواعش والخوان والقطبية والسرورية وغيرها هذا ينافي تعاليم المبعوث رحمة للعالمين وينافي عدالة الإسلام. Et le fait que l'islam appelle à la distinction avec les autres, cela ne veut pas dire qu'il faut être injuste avec eux. Cela ne veut pas dire qu'il faut détruire leurs biens publics ni leurs biens privés. Cela ne veut pas dire qu'il faut semer la zizanie et l'anarchie dans leur pays. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam continue à ordonner de se distinguer d'eux, il nous a ordonné aussi d'honorer, d'être loyal vis-à-vis de nos engagements vis-à-vis d'eux et de ne pas les trahir et de s'acquitter de nos devoirs vis-à-vis d'eux, que ce soit qu'ils soient nos proches parents ou là, hein, les proches de la famille, que ce soit nos voisins ou autres, que ce soit ceux que nous côtoyons dans la société ou ceux qui sont nos patrons, on doit s'acquitter de notre devoir vis-à-vis d'eux et de nos engagements comme il se doit. On doit être loyal des engagements. Hein? Et en aucun cas ne devons assassiner dans leur pays, ni poser des bombes et ainsi de suite. Parce que c'est pas ça les enseignements de celui qui a été envoyé comme clémence pour l'humanité. Et avec ça, il t'apparaît clairement que les voies de Dawaesh et autres, c'est une voie qui est en divergence avec la voie de celui qui a été envoyé comme clémence pour les mondes. فهذه الأدلة التي ذكرت هنا وغيرها تدل على أن مخالفة غير المسلمين فيما اختصوا به أصل من أصول الشريعة الإسلامية وقاعدة من قواعدها. حتى قال اليهود في المدينة في عهده عليه الصلاة والسلام: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. والحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى. Donc cette preuve citée ici, et d'autres qui n'ont pas été citées, prouvent que la distinction qu'avec les musulmans, d'avec les non-musulmans, dans ce qui leur est spécifique, fait partie des fondements de cette législation. Et c'est une des règles, parmi les règles de cette législation. Au point que les juifs de Médine, à l'époque du prophète, ont dit, cet homme, veut se distinguer et se différencier de nous dans toutes les situations. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر واقع في هذه الأمة مما يوجب زيادة الخوف والحذر من التشبه بغير المسلمين. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والحديث متفق عليه. Cette imitation, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous l'a annoncé avant qu'il arrive. Et ce qu'il a annoncé, il est arrivé comme il l'a annoncé, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie aussi des emblèmes de la véracité de son message, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci doit nous motiver encore et créer encore en nous la crainte de cette situation et de faire très attention à ne pas tomber dans l'imitation de ceux qui nous a interdit d'imiter. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu arda, dont le hadith rapporté par Imam al-Bukhari et Imam Muslim, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous allez suivre la voix de ceux qui vous ont précédés, en pont par en pont, coudé par coudé, s'ils rentrent dans le trou d'un espèce de lézard, vous allez les y suivre. On lui a dit, hein, ô messager d'Allah, les juifs et les chrétiens. Il a dit, alors, c'est qui alors? Hein, et tu vois, toi, la situation, comment il est. Hein? فَلَا بُدَّ لَنَا إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ أَنْ نَعْتَزَّ بِإِسْلَامِنَا وَأَنْ نَقْتَدِيَ بِنَبِيِّنَا وَنَسِيرَ عَلَى هَدْيِ سَلَفِنَا الصَّالِحِ وَأَنْ نَتَشَبَّهَ بِهِمْ رضي الله عنهم وارضاهم في أعمالهم وأخلاقهم وهيئاتهم ظاهرة لأن التشبه بالكرام فلاح. Et donc il est obligatoire pour nos frères en Allah subhanahu wa ta'ala d'être fiers de sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre comme modèle le messager d'Allah et de prendre la voie de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim et à leur tête les nobles compagnons d'Allah alayhim et de les imiter dans leurs croyances, dans leurs actes, dans leurs comportements et de les imiter aussi dans leur aspect apparent car le fait d'imiter les nobles c'est une réussite. فالأمر خطير جدا لا شك أنه عندما يحاول إنسان أن يتشبه بسلفه الصالح لا شك أنه يظهر كالغريب وهذا لا إشكال فيه يجب أن تعتز بغربتك il y a aucun doute que quand la personne veut imiter ses pieux prédécesseurs d'Allah alayhim il se sentira comme un marginal comme un étranger. Hein? Mais ceci, tu dois en être heureux. Et te réjouir d'être, hein? Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé pour que tu sois parmi ces ghurabas. Qala Cheikh Ibn Barjis rahimahullah fi raddi ala munkir al-tasnif. La shakka anna al-ghurbata qad ishtadda istihkamuha. وعظم أمرها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فمن كان من أهل السنة فليحمد الله على هذا الفضل وليسأل الله التبات عليه وأما من كان من غير أهلها فيا لخيبة ما أعظم مصيبته وما أشد خسارته فليعد إلى ربه وليراجع دينه فإن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا تقوم ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر انتهى كلامه رحمه الله تعالى شيخ ابن باز رحمه الله عليه دون لا ريبليك qu'il a fait à ceux qui rejettent le fait de cataloguer les gens et de leur répliquer il a dit il n'y a aucun doute que la ghurba est devenue très difficile énorme que la ghurba est devenu énorme et toute la puissance, rien ne bouge qu'avec la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dit celui qui fait partie des gens de la sunnah, qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait avec lequel il l'a comblé. Et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir dans cette voie. Et il dit celui qui est en dehors de cette voie, qui ne fait pas partie des gens de la sunnah, c'est il est énorme sa catastrophe, énorme sa perte. Il doit revenir vers son souverain subhanahu wa ta'ala, il doit réviser sa situation dans sa religion. Car l'islam c'est la sunna, et la sunna c'est l'islam. Et l'un ne peut pas s'accomplir sans l'autre, obligé. Hein? L'islam ne peut s'accomplir qu'avec la sunna. وبما أن حالنا وحال الكثير منا وصل إلى ما وصل إليه من التشبه الخطير فكان لزاما أن نذكر بحال ومواقف من أمرنا الله أن نتشبه بهم ونختفي أثرهم vu que la situation de beaucoup parmi nous que Allah subhanahu wa ta'ala les guide est arrivée à un tel point dans le fait d'imiter les non-musulmans et que c'est une situation très dangereuse, c'est obligatoire de faire le rappel de la situation et de la voie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prendre comme modèle et de suivre leur voie et de les imiter. فجلستنا في هذه الأمسية هي في التذكير ببعض من أمرنا بالاقتداء بهم من الصحب الكرام رضوان الله عليهم. Notre assise ce soir encore, pour se rappeler situation de ceux que nous devons prendre comme exemple qui sont les nobles compagnons رضوان الله عليهم. والله سبحانه وتعالى فرض علينا أن ندعو هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. الله سبحانه وتعالى في obligatoire pour nous de faire ce dua dans chacune de nos prières pour se rappeler la voie à suivre et avec qui nous devons être et qui nous devons imiter. La voie droite de ce que Allah سبحانه وتعالى a accompli de ses bienfaits. Et alors peut-être les prophètes, ils viennent après, hein, les nobles compagnons du prophète alayhi salam. C'est pour ça, rien d'étonnant que certains de nos pieux prédisseurs d'Allah, quand la question fut, lui a été posée sur Sirat al-Mustaqim, il a dit c'est Abu Bakr et Omar. Hein? Pour Sahabatu Ridwanullah alayhim, هم الصالحون المصلحون الذين وصفهم رب العزة سبحانه وتعالى بأوصاف قال سبحانه وتعالى عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Les nobles compagnons Ridwanullah alayhim, ce sont les vertueux et les réformateurs dans le sens le plus large et dans la meilleure signification de la réforme et du réformateur. Ces nobles compagnons d'Allah alayhim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans maintes versets avec ses descriptions, comme celle-là dans ce verset, dont la traduction approximative nous dit cela. Il est parmi les hommes, il est parmi les croyants des hommes qui ont honoré leur engagement envers Allah. Certains fidèles à leurs promesses sont tombés en martyrs, tandis que d'autres attendent sans jamais changer quoi que ce soit de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهم الرجال حقا الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في قوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Et c'est aussi, ce sont des hommes, ce sont des véridiques hommes qui ont été décrits ainsi dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette traduction approximative du sens du verset, des hommes que ni négoce ni transaction ne seraient détournés de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière et du versement de l'aumône, et qui redoutent le jour où les cœurs et les regards seront bouleversés de terreur. هكذا وصفهم رب العزة سبحانه وتعالى. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الصادقون الذين قال فيهم رب العزة سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Ce sont les véridiques. Ce sont les véridiques comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits. Ces nobles compagnons de Allah alayhim. Il est dit dans la traduction approximative du verset cité ici, les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, sans jamais douter, et qui sacrifient leur bien et leur vie pour la cause d'Allah. Voilà ceux qui sont véridiques dans leur foi. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits. وَهُمُ الَّذِينَ لَمْ يَنْتَصِرُوا لِأَنفُسِهِمْ وَإِنَّمَا نَصَرُوا دِينَ اللَّهِ وَنَصَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Et c'est eux qui n'ont pas œuvré pour faire triompher leurs égaux, ni leurs intérêts, mais ils ont œuvré pour faire triompher la religion d'Allah et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى في حقهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. La traduction approximative du sens de ce verset où il est dit ce type de butin est aussi réservé aux pauvres parmi les muhajirun qui ont été contraints à l'exil et spoliés de leurs biens, uniquement coupables de rechercher les faveurs et la satisfaction de leur Seigneur et de défendre la religion d'Allah et de son messager. Voilà ce dont la foi est sincère. Voilà ce dont la foi est véridique. Radiallahu anhum wa ardahum. فالرجال الذين صدقوا الله عز وجل هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. صدقوا مع الله وصدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا مع أنفسهم وصدقوا مع الناس. Les hommes qui étaient véridiques, ce sont les nobles compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient véridiques avec Allah. Ils étaient véridiques avec son messager alayhi wa sallam. Ils étaient véridiques avec eux-mêmes. Ils étaient véridiques avec les autres. Ashabu Muhammadin i'tazzu bil Islam. Fa'azzahum Allahu bil Islam. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حملوا الإسلام في قلوبهم ففتحوا قلوب العباد والبلاد وكان أن قال فيهم ربهم سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم لنبل كومبانيون محمد عليه الصلاة والسلام ont été fiers de leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a renforcés avec l'islam. Les nobles compagnons de Muhammad alayhi sallam ont porté cette religion, ils l'ont dans leur cœur. Ils ont conquis les cœurs des autres et conquis leur pays avec l'islam. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé la meilleure des récompenses. Comme il est dit dans le verset, après les avoir cités, il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et eux, ils agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Et il leur a préparé des jardins sur lesquels coulent des fleuves dans lesquels ils vivront éternellement. Et ça, c'est le plus grand dégât et la plus grande réussite. وكم نحن في زماننا هذا بحاجة للكلام والتذكير بهؤلاء الأخيار وبمواقفهم ومدارسة أحوالهم حاجتنا ماسة إلى ذلك. Et combien à notre époque et dans le déluge du fitan dans lequel on vit, nous avons besoin de se rappeler la biographie de ces nobles ridwanullah alayhim. Leur position, d'étudier leur situation, et ceci pour beaucoup de points. أولاً أنهم خير الناس بعد الأنبياء والأدلة على هذا كثيرة جدا في كتاب الله وفي صحيح السنة. Premièrement, parce que ce sont les meilleurs humains après les prophètes عليهم الصلاة والسلام. Et les preuves sont nombreuses à ce niveau-là, que ce soit dans le livre d'Allah ou dans la Sunna du prophète عليهم الصلاة والسلام. ثانيا أن منهجه هو سبيل النجاة وهو المنهج الحق الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة وهو سبيل المؤمنين الذي أمرنا باتباعه. Deuxièmement, parce que leur voie, c'est la voie de la réussite et la voie pour être sauvé dans ce bas monde, des innovations et dans l'au-delà du châtiment d'Allah. Et c'est la voie de la vérité dans laquelle il y a le bonheur de ce bas monde et le bonheur de l'au-delà. Et c'est la voie des réels croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Thalithan, humu alladhina darabu lana arwa' al-amthila fi kulli al-majalat. Troisièmement, ce sont eux qui nous ont donné les meilleurs exemples à tous les niveaux, que ce soit de l'amour pour Allah qu'ils avaient pour Allah, pour le messager, hein, pour sa religion, et ainsi de suite. Radiallahu anhu wa ardahum. ونحن في عالم نرى أن الكثير إلا من رحم ربك يتشبهون بالخسيس وبمن نهينا أن نتشبه بهم والله المستعان. Alors que nous sommes dans un monde dans lequel on voit que beaucoup, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé, imite ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit d'imiter. Et ce que le messager alayhi salatu wa salam leur a interdit d'imiter. فمع رجل من هؤلاء الرجال رضي الله عنه وارضاه الذين وصفهم ربهم سبحانه وتعالى بقوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. Il y avait un de ces hommes qui sont désignés dans ce verset, dans la traduction approximative du sens du verset, nous dit cela, dit louange à Allah et que la paix soit avec ceux de ses serviteurs qu'il a élus. هؤلاء الرجال الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه ولنصرة دينه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق زنديق حبهم دين وإيمان وإحسان. Ces hommes que Allah subhanahu wa ta'ala a élus, hein, ce verset, quand on a posé la question, interrogé Abdullah ibn Abbas concernant ce verset qui vient d'être cité, hein, la paix soit avec ceux de ses serviteurs qu'il a élus, il a dit ceux-là, ce sont les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ces hommes que Allah subhanahu wa ta'ala a élus, pour être les compagnons de son prophète alayhi salatu wassalam, pour faire triompher la religion d'Allah, ces nobles compagnons ne les aiment qu'un croyant, ne les détestent qu'un hypocrite et un zindir, un mécréant. Le fait de les aimer, c'est la religion, c'est la foi, c'est la bienfaisance. Le fait de les détester, c'est la mécréance, c'est l'hypocrisie. Et c'est dépasser ses limites. Et maw'iduna fi hadhihi al-umsiya ma ahad haoulaï al-rijal haoulaï al-sahb al-kiram Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wa ma adraka ma Abdullah ibn Abbas. Et ce soir, inshallah, nous passons 6 à 6 avec l'un de ces nobles hommes et l'un des nobles compagnons. Le noble compagnon Abdullah ibn Abbas, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Ou Abdullah ibn Abbas, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdul Manaf, al-Qurashi, al-Hashimi, Abu al-Abbas ibn Abbas, alladhi malaka al-majda min atrafihi, faqad ijtama'a lahu majdu al-suhba, fahuwa min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa majdu al-qaraba, فهو ابن عم نبي الله صلى الله عليه وسلم ومجد العلم فهو حبر الأمة وترجمان القرآن ومجد التقى فقد كان صواما بالنهار قواما بالليل مستغفرا بالأصحاب بكاء من خشية الله ومجد الجمال فكان وسيما جميلا مديد القامة مهيبا كامل العقل زكي النفس من رجال الكمال رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القريشي الهاشمي ابو العباس بن عباس il a eu les honneurs de tous les côtés. Les honneurs de tous les côtés ont été réunis pour lui. L'honneur d'être un compagnon parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. L'honneur du lien de sang qu'il a avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'est le fils de l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. l'honneur de la science, car il était l'homme de science par excellence, et le sillon de science par excellence de cette communauté. Et il était, et il est, l'exégète par excellence du Coran. Et il a eu les honneurs de la piété, de l'accomplissement de taqwa, car il jeûnait la journée, et il accomplissait les prières nocturnes la nuit. Et à la fin de la nuit, avant l'aube, l'apparition de l'aube, il était parmi ceux qui implorent le pardon d'Allah. Mustaghfiran bil asha. Il pleurait de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait aussi l'honneur de la beauté, car il était un bel homme, il était très beau. Il était très grand, radiyallahu anhu arda. Il était majestueux dans son allure, il inspirait le respect. Il avait une raison complète, radiyallahu anhu arda. Et il avait une âme pure. Il fait partie de ces gens complets, à tous les niveaux, radiyallahu anhu arda. Walid ibn Abbas, radiyallahu anhu arda, قبل الهجرة بثلاث سنوات. Il est né, radiyallahu anhu arda, 3 ans avant l'hijra. ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان له 13 سنة فقط. ومع ذلك فقد حفظ للمسلمين عن نبيهم 1660 حديثا رضي الله عنه وارضاه. Et quand le prophète alayhi salam est mort, il avait 13 ans, radiyallahu anhu arda. Et malgré cela, il a mémorisé pour la communauté du prophète alayhi salam 1660 hadiths. 1660 hadiths. والحديث عن عبد الله بن عباس سيكون عن بعض مناقبه وبعض مواقفه رضي الله عنه وارضاه. Et parler d'Abd Allah ibn Abbas concernera certaines de ses qualités et certaines de ses mérites et de ses positions. أما مناقبه فهي كثيرة جدا. Quant à ses qualités et ses mérites, ils sont nombreuses. أولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالعلم والحكمة والفقه في الدين. Premièrement, le fait que le prophète عليه السلام a fait دعاء, a imploré Allah سبحانه وتعالى pour Abdullah ibn Abbas, pour que Allah سبحانه وتعالى le comble de la science, de la sagesse et de la compréhension de la religion. Il n'y a aucun doute que le دعاء du messager عليه السلام sont exaucés. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب رواه البخاري عبد الله بن عباس رضوان الله عليهم أجمعين le prophète d'Allah m'a serré contre sa poitrine et il a dit oh Allah donne-lui la sagesse. Rapporté par Al-Bukhari. Et dans notre hadith, rapporté par Al-Bukhari, « Oh Allah, donne-lui la science du livre. » وقال ابن عباس رضي الله عنهما ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وهذا في سنن ابن ماجة وفي مختصر الشمائل للألباني وصححه الألباني رحمة الله عليه ابن عباس دي مسكي رابورت دون مختصر الشمائل دون سنن ابن ماجة دي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيري كونتر لوي il a dit والله donne lui la science donne lui la sagesse et donne lui l'interprétation du livre وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة في المصنف اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء دعا الله دل لي la compréhension de la religion et donne-lui l'interprétation du livre. Hein? وقال ابن عباس رضي الله عنهما مسح النبي رأسي ودعا لي بالحكمة ذكره الإمام أحمد رحمه الله ابن عباس دي رسول صلى الله عليه وسلم أي سوي متت إلى في الدعاء بوك الله سبحانه وتعالى مدل حكمة وقال ابن عباس رضي الله عنهما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أن يزيدني علما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أن يزيدني علما وفهما رواه ابن أبي شيبة بن مصنف ابن عباس رضي الله عنه أرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم أدومون دي الله pour lui de lui augmenter la science et la compréhension de augmenter la science d'Allah ibn Abbas et aussi la compréhension ولقد استجاب الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم في ابن عباس رضي الله عنهما فلقد كان إماما في العلم وعالما من أعلام الأمة المحمدية الذين نشر الله بهم أحكام الدين أحكام دين الإسلام من أوامر ونواهي وحلال وحرام فإذا سألت أحدا من عوام المسلمين من حبر هذه الأمة لقال لك ابن عباس من ترجمان القرآن لقال لك ابن عباس الله سبحانه وتعالى وكان يذكر الله سبحانه وتعالى اكزوسي لو دعاء دو سو ميساج عليه الصلاه والسلام concernant عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس تي ان امام دو لا سيونس ان دي زومبلم دو لا سيونس دون سيت كوميونيتي دو محمد عليه الصلاه والسلام par le biais duquel الله سبحانه وتعالى a propagé les lois de cette religion les ordres d'Allah ses interdits, le halal, le haram, et ainsi de suite. Si tu poses à quelqu'un de la masse, qui sait l'homme de science par excellence de cette communauté, tu diras que c'est Abdullah ibn Abbas. Qui sait l'exégète par excellence du Coran, tu diras que c'est Abdullah ibn Abbas, que Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. من مناقبه كذلك رضي الله عنه كثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. fait partie de ses qualités et de ses mérites, c'est qu'il était souvent avec le prophète عليه الصلاة والسلام. Il était souvent en compagnie du prophète عليه الصلاة والسلام. Même à des moments où d'autres n'ont pas pu y être. إذا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ كان ابن عباس بجواره يعد له ماء وضوءه. Quand le prophète عليه الصلاة والسلام veut faire le dos, Ibn Abbas était là, il ramène tout de suite le dos du messager عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا وهو الماء الذي يتوضأ به فقال صلى الله عليه وسلم من وضع هذا فأخبر فقال عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Abdullah ibn Abbas dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est rentré pour faire ses besoins. Et je suis arrivé, j'ai ramené l'eau pour le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qui a posé ça? Ils ont dit que c'est tel, c'est Abdullah ibn Abbas. Et il a dit, oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة خالته وهي أم المؤمنين فوضعت له وضوءا من الليل قالت ميمونة يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس فقال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل رواه ابن حبان في صحيحه عبد الله بن عباس دي المساجد d'Allah était dans la chambre de Maymouna. Maymouna c'est la tante عبد الله بن عباس et c'est la femme du prophète عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس دي j'ai posé l'eau pour le messager عليه الصلاة والسلام l'eau dans la nuit l'eau pour la nuit pour les prières nocturnes Maymouna رضي الله عنها وارضاها هذه أمي ساجد الله سو ريسيبيون دو سي عبد الله بن عباس كي تلاميلا الرسول صلى الله عليه وسلم dit oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et apprends-lui l'interprétation. Et donne-lui la science de l'interprétation. وإذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في جوف الليل كان ابن عباس هناك خلفه يصلي. Quand le prophète عليه السلام se lève pour faire les prières nocturnes, Ibn Abbas était là à ses côtés, à prier avec lui. Quand la nuit, c'est à la nuit de sa tante Maymouna, radiyallahu anhu. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه أي بجواره فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاتي خنست أي تأخرت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال لي ما شأنك أجعلك حذائي فتخنس فقلت يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاك الله قال ابن عباس فأعجبته فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما رواه أبو نعيم في الحلية ابن عباس شوفوني على فان دو لانو chez le prophète عليه الصلاة والسلام j'ai prié derrière lui. Et le prophète alayhi salatu wasallam m'a pris, il m'a fait tourner, il m'a mis sur sa droite, à côté de lui, sur sa droite. Et quand le rasoul sallallahu alayhi wasallam était dans la prière, j'ai reculé en arrière. Et le messager d'Allah a prié, et quand il a terminé la prière, il m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as? Je te prends, je te mets à côté de moi, il te recule, et... Tu recules en arrière. Abdullah ibn Abbas a dit au messager d'Allah, est-ce qu'il sied à quelqu'un d'être à côté de toi alors que tu es le messager d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Ibn Abbas a dit que cette parole a plu au messager alayhi salatu wassalam. Et il lui a fait dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente la science et la compréhension. Wa an ibn Abbas رضي الله عنهما أنه أتى خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلى السقاية فتوضأ ثم قال ثم قام فصلى قال وقمت فتوضأت ثم قمت عن يساره قال فأخذ بيدي فأدارني من خلفي حتى أقامني عن يمينه والشاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما وهو طفل كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه كان يصلي خلفه ماذا قيام الليل et dans ce qui est rapporté par l'imam Ahmed et l'expression ici celle de l'imam Ahmed alors que l'origine du hadith il est chez l'imam Muslim Abdullah ibn Abbas a dit je suis allé chez ma tante Maymouna la femme du prophète عليه الصلاة والسلام et le mot messager d'Allah s'est levé à la fin de la nuit, il est allé à une outre qui est accrochée, dans laquelle il y a de l'eau, et il a fait le dos, et il a commencé à prier. Je me suis levé, dit Abdullah ibn Abbas, j'ai fait le dos, et puis je me suis mis à gauche du prophète. Et il a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam m'a pris, il l'a pris de l'oreille, il l'a fait tourner, pour le mettre à sa droite, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le témoignage dans cette... C'est que Abdullah ibn Abbas, alors qu'il est un jeune garçon, hein, un enfant, priait avec le prophète alayhi sallam et à côté du prophète alayhi sallam. Et pas n'importe quelle prière, les prières nocturnes. وَإِذَا عَزَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّفَرِ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَهُ أَيْ خَلْفَهُ عَلَى الدَّابَّةِ. Et quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam allait partir en voyage, Abdullah ibn Abbas était derrière lui sur la monture radiyallahu anhu arda يقول ابن عباس رضي الله عنه كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث صححه الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على سنن الترمذي. ابن عباس رضي الله عنهما دي جيتي ديغير بروفيت عليه sur la monture derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Un jour, il m'a dit, ô jeune homme, ya Roulam, Roulam c'est quelqu'un qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté. Ya Roulam, je vais t'apprendre quelques mots, quelques phrases. Préserve Allah, il te préservera. Qu'est-ce que ça veut dire, préserve Allah? C'est-à-dire, préserve les droits d'Allah, préserve la religion d'Allah, Allah il va te préserver. Préserve les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vas les trouver. Hein? Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quand tu cherches l'aide, cherche-la auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et sache que toute la communauté s'il se réunit pour te prodiguer un bien qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a pas destiné, tu l'auras pas. Et si tous, ils se réunissent pour te faire du mal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas destiné, ils ne le pourront pas. Les crayons sont rangés et les feuilles sont sèches. وَإِذَا شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ يَمِينِهِ. Quand le prophète عليه الصلاة والسلام boit dans un récipient, Abdullah ibn Abbas est à sa droite. Ibn Abbas رضي الله عنهما قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عن يمينه وخالد بن الوليد عن شماله فقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم الشوربة لك، هو يخاطب عبد الله بن عباس لأنه عن يمين الرسول، وإن شئت آترت بها خالدا. قال ابن عباس ما أوترها، ما أوتر على سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. والحديث حسنه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي. ابن عباس a dit que un jour il était assis à droite du prophète عليه الصلاة والسلام. Le prophète عليه الصلاة والسلام a bu dans un récipient. Khalid ibn al-Walid était à gauche du prophète عليه الصلاة والسلام. Et quand le prophète عليه الصلاة والسلام a terminé de boire, il a dit à Abdullah ibn Abbas, c'est à toi le tour maintenant. C'est à toi le tour. Et si tu veux, tu peux donner ton tour à Khalid ibn al-Walid. Abdullah ibn Abbas lui a dit, je préfère le reste du messager et je ne le laisserai à personne. Il veut boire de là où il a bu le prophète alayhi salatu wassalam et que personne ne passe avant lui. Radiallahu anhu arda. Et on arrête là, inshallah, on reprendra d'ici 20 minutes, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.